Lundi prochain se tiendront les premiers Pégase du jeu vidéo en France, une cérémonie de récompense des meilleures sorties de l'année en cours à la manière de cette autre cérémonie cinématographique dont on ne dit plus le nom. Après la création à l'automne dernier d'une chaire sciences et jeux vidéo à l'école polytechnique et la généralisation des game studies, des sciences du jeu dans plusieurs universités, le jeu vidéo, près de 50 ans après la création de Pong, commence enfin à être pris au sérieux par la sphère académique et peut-être bientôt par le reste de la société française. Science et jeux vidéo, pourquoi si sérieux? C'est le programme ludique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces liens consubstantiels entre les sciences et le jeu vidéo, et plus généralement de la façon dont le jeu vidéo entre petit à petit dans le champ d'études du monde académique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Granier de Cassagnac. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique et donc porteur de cette chaire sciences et jeux vidéo dont vous allez nous parler. Et David Loipre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Ubisoft et créateur de la chaîne YouTube Sens Étonnante. Mais avant cela, celle qui n'a jamais réussi à terminer Resident Evil 2 à cause de, je cite, trop de zombies, mais qui plie ses parties de civilisation en mode déité, c'est bien sûr Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas, Natacha. Bonjour. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Cardiovascular Research. Selon ce papier, la pollution de l'air serait un fléau bien plus grave que les guerres, le sida, le paludisme et même le tabagisme. On le sait depuis des décennies, la pollution de l'air augmente les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Une équipe allemande a calculé ses conséquences sur l'espérance de vie à l'échelle mondiale. Il propose un nouveau modèle, créé à partir de modélisations atmosphériques basées sur la chimie des polluants, regroupées avec des données des précédentes études épidémiologiques. Selon leurs calculs, la pollution de l'air serait liée à 8,8 millions de décès par an. Ils ont ensuite comparé avec d'autres maladies et ils trouvent que les conséquences sont similaires, voire plus élevées que pour le tabagisme. En moyenne, à l'échelle mondiale, c'est 3 années d'espérance de vie perdues à cause de la pollution atmosphérique. Bénédicte Jacquemin est épidémiologiste à l'INSERM, associée à l'IRSET, l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail. Si la pollution atmosphérique est associée à une diminution de l'espérance de vie, si on diminue l'exposition à la pollution atmosphérique, on aura une augmentation de l'espérance de vie. Mais il faut interpréter ces résultats avec précaution. D'abord, c'est une étude statistique. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ici, ils ont calculé l'impact total de la pollution atmosphérique et il y a quand même une partie de la pollution atmosphérique qui n'est pas d'origine anthropogène, donc qui est d'origine naturelle et donc il y a une couche de pollution atmosphérique de laquelle on ne pourra jamais se défaire même si on arrête toute activité humaine qui existe. Et puis, il faut pas oublier que ça reste super global. Et si on va à niveau individuel, c'est très différent. Et même si on va à niveau de pays ou de continent, ce serait probablement différent. Et ensuite, la différence que moi je trouve qui est très importante avec le tabac, c'est que à niveau individuel, l'effet du tabac reste beaucoup plus élevé quand même que celui de la pollution atmosphérique. Le tabac, ça ne concerne pas toute la population, ça concerne les fumeurs et par exemple les fumeurs passifs, mais ici ils ont inclus l'impact que des fumeurs, alors que la pollution atmosphérique, c'est vraiment tout le monde tout le temps. Oui, mais les auteurs de ce papier disent qu'on peut parler de la pollution de l'air comme d'une pandémie. Oui, si par pandémie on veut dire que tout le monde est exposé à des niveaux de pollution atmosphérique, c'est le cas. L'OMS en 2018 avait publié un rapport dans lequel il estimait que 9 personnes sur 10 à niveau mondial étaient exposées à des niveaux supérieurs à ceux recommandés par eux-mêmes. Ensuite, il y a des pays où les niveaux de pollution atmosphérique sont beaucoup plus élevés que d'autres et actuellement, c'est surtout en Asie. Et on passe au bref. D'une pandémie à l'autre, l'OMS a déclaré hier que le taux de mortalité du coronavirus serait plus élevé qu'on ne le pensait jusqu'alors. On pensait que le taux de mortalité pour le Covid-19 était d'environ 2%. Il serait en réalité de 3,4%. En comparaison, la grippe saisonnière tue 1% des personnes infectées. Alors 3,4%, pour que ce soit bien clair, cela signifie que sur 1000 personnes contaminées, 34 personnes peuvent en succomber. L'OMS a également rappelé que le virus se propage moins efficacement que la grippe. Voilà, une mortalité aussi très différentes en fonction des tranches d'âge. On reparle de tout ça et notamment de la question des seuils épidémiques et pandémiques vendredi dans une émission spéciale consacrée au Covid-19. Selon une étude parue dans National Science Review, des chercheurs ont trouvé des traces d'ADN de dinosaures vieilles de 75 millions d'années. Et jusqu'à présent, on estimait que passé la limite d'un million d'années, le matériel génétique commençait à se dégrader. Des chercheurs des États-Unis, du Canada et de Chine ont étudié des fossiles de bébés dinosaures à bec de canard et surtout la conservation moléculaires de leur cartilage. Dans les cellules du cartilage, ils ont trouvé des marqueurs chimiques de l'ADN, des fragments préservés de protéines et de chromosomes. Selon les auteurs, le cartilage permettrait de mieux préserver le matériel génétique, bien mieux que les os, plus poreux et plus perméables aux bactéries. Le débat sur la durée de conservation de l'ADN est à nouveau ouvert. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Communications, les perroquets aussi ont la capacité de comprendre les probabilités. Et non, les humains et les primates ne sont pas les seuls animaux à être dotés de cette compétence. Une équipe de Nouvelle-Zélande a démontré que les perroquets, les kea, sont capables d'évaluer le caractère probable d'un événement, et en l'occurrence, la distribution de friandises. Les perroquets ont d'abord appris à reconnaître que les jetons de couleur noire donnaient droit à une récompense alimentaire et que ceux de couleur orange n'en offraient aucune. Puis une série d'expériences avec ces jetons visibles dans des gobelets puis dissimulés dans des mains montrent que ces oiseaux peuvent déterminer la chance qu'ils ont pour récupérer le bon jeton. Une fois de plus, cette espèce présente des capacités cognitives complexes. Merci beaucoup Natacha, la probabilité de vous retrouver demain est très très élevée, si vous m'appelez Coco, je vous pince le doigt. Allez, selon Médiamétrie, nous sommes 37 millions de joueurs de jeux vidéo en France, soit donc plus de la moitié de la population. Aux États-Unis, c'est même 2/3 de la population. En France, l'âge moyen de la joueuse ou du joueur ne cesse d'augmenter. Il est de 42 ans chez les hommes et de 38 ans chez les femmes. Et si le téléphone portable est la plateforme principale, l'ordinateur ou la console ne sont vraiment pas loin derrière. Ces chiffres ont été produits par Médiamétrie l'automne dernier à l'occasion de la Paris Games Week. Bref, le jeu vidéo est de plus en plus pratiqué, de plus en plus populaire, représente en termes de budget la première industrie culturelle au monde devant le cinéma et la musique. Et pourtant, dans la plupart des médias, les jeux vidéo, c'est encore ça. Un écran peut vite vous rendre accro et vous faire perdre les réalités de la vie quotidienne. L'addiction à la vidéo, plus précisément aux jeux vidéo, était au cœur d'un débat cette semaine à la Sorbonne. Libé nous parle ce matin de ce colloque consacré à la cyberdépendance. Les spécialistes parlent de conduite addictive qui concernerait 6 à 800 000 personnes chaque année en France. Un phénomène plutôt préoccupant, raconte le journal. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients en consultation pour ce genre de problème. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meporg, explique le journal. Les meporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment ? Ça s'écrit MMMPORPG. Ça s'écrit MMORPG, voilà, les Meuporg, une tristement célèbre archive. Heureusement, elle a aujourd'hui 10 ans, c'était en 2009 sur France 2. Est-ce que vous diriez que depuis 10 ans, tout de même, l'image des jeux vidéo a un peu changé, un peu évolué, notamment dans la façon dont on traite les médias généralistes? Raphaël Granier de Cassagnac. Ah bah oui, j'espère, donc une petite dizaine d'années s'est passée là. Oui, j'espère que ça a changé. Néanmoins, moi, j'ai participé récemment à une conférence sur des nouvelles médiations scientifiques. Et la dernière question que j'ai eue, c'était exactement celle-là. Est-ce qu'on intégrait la question de l'addiction dans nos recherches? Donc, je reste quand même pas complètement optimiste sur cet aspect. Ouais. David Loabre. Oui, c'est vrai que c'est encore beaucoup critiqué. Il y a quand même un changement qui est simplement un changement générationnel. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui, dans les médias, dans les cercles de décideurs, sont des gens qui ont connu dans leur jeunesse le jeu vidéo. Et donc, je pense que ça va peu à peu se résorber, mais ça prend du temps. On voit effectivement, comme vous le disiez, Raphaël Granit-Cassagnac, aujourd'hui ressurgir. Avant, c'était le lien avec la violence, avec la question, notamment aux États-Unis, des fusillades et des liens entre jeux vidéo et fusillades. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle des addictions. Ça veut dire que il y a encore toujours cette image négative qui colle à cette industrie. Comment vous l'expliquez en fait qu'il reste toujours cette image qu'on a du mal à dépasser collectivement dans l'inconscient collectif? C'est la peur de l'inconnu, c'est-à-dire que c'est à une époque personne connaissait les jeux vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la moitié des Français jouent. Donc c'est pour ça que je pense que ça va essentiellement disparaître. Mais c'est cette peur de l'inconnu qui fait que quand on voit quelqu'un faire quelque chose qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, ben on a peur. Cela dit, des comportements addictifs, il y en a avec tout, avec la nourriture, avec absolument tout. Il y en a plein qu'on appelle pas addictifs et il y en a certains qu'on appelle addictifs par peur de l'inconnu, je pense. Les Pégases, je le disais, donc une cérémonie de remise de prix, c'est peut-être le signe qu'on passe dans une autre ère, dans une forme en tout cas de reconnaissance, d'institutionnalisation, David Loeb, ou est-ce que c'est un artefact? Je sais pas, on verra ce que ça donne sur le long terme. C'est des choses qui existent déjà aussi, par exemple, au niveau international. Et bon, ça participe à d'une espèce de progressive respectabilité du jeu vidéo, mais je pense qu'il faudra un petit peu plus que ça. Néanmoins, ça veut dire aussi que c'est une forme de reconnaissance d'une spécificité ou d'une qualité de la production vidéoludique française, puisque les prix vont être attribués essentiellement à la production française, à des jeunes studios qui font, on pense à Dontnod, à Spiders, qui aujourd'hui ont une vraie respectabilité à l'international. Donc ça veut dire peut-être l'âge de la maturité pour l'industrie vidéoludique française, Raphaël Granit-Cassagnac? Ah bah oui, je pense que, enfin, au niveau international, on l'a dit, le jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie du divertissement devant le cinéma. Et au niveau français, vous en avez cité quelques-uns, il y a plein de petits studios, il y a aussi des grosses industries comme Ubisoft, évidemment. Il y a un foisonnement d'idées et d'acteurs du jeu vidéo en France qui est assez important. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc aujourd'hui des jeux vidéo, de leur lien avec la science. Nous parlons plus généralement des jeux vidéo et bien du monde académique, de ce qu'on appelle les Game Studies en anglais, qu'on traduit d'ailleurs non pas par études de jeu, mais par la science du jeu. Je soumettrai ça tout à l'heure à l'appréciation de mes deux invités, Raphaël Granier de Cassagnac et David Loapre. Donc, le 24 novembre dernier, Polytechnique et Ubisoft, que vous représentez chacun ici, ont officialisé cette nouvelle liaison, la création d'une chaire science et jeux vidéo. Parlez-moi un peu de l'idée derrière la création de cette chaire. Comment ça s'est passé, puisque c'est vous qui en êtes en partie à l'initiative, Raphaël Granit-Cassagnac? Ouais, pour moi, l'idée initiale, elle est partie du fait que j'avais envie de vulgariser ma science. Je fais de la physique des particules et j'avais envie de vulgariser ma science pour le plus grand nombre. Donc j'avais envie de faire un jeu vidéo sur ma physique. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des acteurs de l'industrie du jeu vidéo. J'ai commencé à en embaucher dans un game lab à l'école polytechnique. Et j'ai rencontré un appétit très fort que je soupçonnais pas de beaucoup de professionnels du jeu vidéo pour la science. Et donc voilà, c'est en discutant de l'idée de pérenniser ma petite aventure et de répondre à une certaine attente de l'industrie que cette idée de chair est née. Alors du coup, cette idée de chair, elle est née avec, vous l'avez dit, la création d'un Game Lab. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, quel est l'enseignement que vous dispensez? Comment vous l'avez pensé, vous, comment vous l'avez construit? Pourquoi le besoin de faire entrer à l'intérieur de l'école polytechnique, finalement, des professionnels du jeu vidéo? Expliquez-nous un peu comment tout ça s'est construit. Ouais, alors il y a trois volets. Donc il y a effectivement un volet enseignement qui est l'idée que de former des gens aux jeux vidéo dans des écoles qui sont pas des écoles de jeux vidéo. Donc nous, on est à l'école polytechnique, c'est conjoncturel. C'est là que ça démarre. Et donc l'idée, c'est de former nos ingénieurs, qui sont des ingénieurs qui sont très forts en maths, très forts en sciences en général, au métier du jeu vidéo. Et donc on a commencé avec la deuxième année de l'école et on leur donne un cours d'une soixantaine d'heures pendant laquelle, en binôme, ils fabriquent leurs petits jeux vidéo. Donc en 60 heures, avec les moteurs modernes, on peut tout à fait apprendre à des gens à fabriquer leurs petits jeux. Et après, on donnera des cours plus pointus sur l'intelligence artificielle et tout ça dans la troisième année, peut-être plus loin. D'accord, c'est-à-dire que pour le moment, c'est un module qui vient compléter des formations d'ingénieurs. Avec quelle finalité, finalement, dans votre esprit? La finalité, elle est plurielle. Bon, d'abord, les étudiants, ils ont un appétit pour le jeu vidéo qui est très fort. Ils sont nés avec, comme beaucoup de gens maintenant dans le monde. Et donc, ils sont nés avec. Donc, la première finalité, c'est de répondre un peu à une certaine attente. Et la deuxième, c'est de les éveiller sur la pluralité des métiers du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est extrêmement pluridisciplinaire. Il y a des artistes, il y a des gens qui s'occupent du business, il y a des gens qui mettent de la science dans les jeux et plein d'autres. et donc de les éveiller sur la pluralité des métiers qu'on peut faire dans cette industrie et de les y former en fait, donc de leur apprendre les rudiments de comment on fabrique un jeu vidéo. Cette chaire, donc vous y avez associé l'entreprise Ubisoft là aussi, comment ça se passe, pourquoi être allé chercher Ubisoft, qu'est-ce que vous faites finalement avec cette entreprise dont on va reparler puisque c'est quand même effectivement l'un des fleurons de l'industrie du jeu vidéo français. Alors les chaires à l'école polytechnique, il y en a pas mal, il y en a une trentaine, qui sont donc toutes financées par des industriels, essentiellement français, il y a des exceptions. Et donc voilà, quand on regarde dans le panorama français dans le jeu vidéo, la plus grande industrie du jeu vidéo en France, c'est Ubisoft. Donc c'est pour ça qu'on est allé les voir. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans une soirée chez un autre industriel. Donc c'est comme ça que ça a démarré, c'est une très belle rencontre. Et donc c'est pour ça qu'on est allé voir. Et comme je disais, moi je pensais pas du tout que ça allait se concrétiser. Puis donc j'ai rencontré Olivier Dauba, qui est un des vice-présidents d'Ubisoft, qui a tout de suite témoigné un appétit énorme pour la science. Alors on a parlé de l'aspect enseignement, ce qui intéresse beaucoup l'industrie du jeu vidéo aussi, en plus de former des nouvelles personnes à intégrer leurs équipes, c'est de mettre de la science dans les jeux. Donc de la science avec les mondes typiquement de plus en plus ouverts, de plus en plus intelligents, que les systèmes scientifiques qui soient dedans, que ce soit la météo, la faune, la flore, le comportement des sociétés, et ça soit de plus en plus sur des sciences exactes. Et donc sur de la modélisation informatique, sur de l'apprentissage accompagné. David Loire, alors justement, vous êtes directeur scientifique chez Ubisoft, qui vous a débauché d'ailleurs il y a 2 ans maintenant. C'est ça, un peu moins de 2 ans. Alors en quoi ça consiste être directeur scientifique quand on a un profil? Rappelez-nous quel est votre profil, puisque outre on vous connaît en tant que vulgarisateur, mais vous avez un profil scientifique. Comment est-ce que vous êtes allé chez Ubisoft et pourquoi faire? Alors c'est vrai que moi je suis encore relativement jeune dans l'industrie du jeu vidéo. En fait, à la base, moi je suis physicien, j'ai fait un peu de recherche fondamentale et pas mal de recherche appliquée, plutôt en sciences des matériaux. Et en fait, j'ai rencontré le directeur de la création d'Ubisoft, qui connaissait mon travail de vulgarisation et qui en fait m'a expliqué que pour lui, la science était quelque chose d'extrêmement important et qui pensait que ça devait jouer un rôle plus fort dans le jeu vidéo, notamment du fait que le jeu vidéo à ses origines était quand même quelque chose d'assez technique, hein, c'était des gens qui programmaient et des gens qui étaient souvent tout seuls ou à petite équipe. Et du fait de la croissance de l'industrie, c'est devenu quelque chose qui était beaucoup plus orienté sur le côté artistique, et il pensait qu'on avait perdu un peu quelque chose de ce côté très très technique, le fait de faire des simulations dans les jeux avec lesquels les joueurs puissent s'amuser. Et donc voilà, en rencontrant le directeur de la création comme ça, il m'a parlé de tout ça, j'ai trouvé ça passionnant. Moi j'étais pas tellement un gros joueur, et donc je suis arrivé comme ça donc à la direction de la création, avec une mission assez ouverte qui est de en gros mettre plus de science dans les jeux, donc à la fois du point de vue on va dire de la cohérence de ce qui est raconté. Si on fait quelque chose qui se passe dans un futur proche, dans l'espace, des choses comme ça, on essaie de faire en sorte que ça tienne à peu près debout, que ça soit raisonnablement réaliste. Et puis aussi ce point que mentionnait Raphaël, qui est le fait de faire des mondes qui soient de plus en plus riches, de plus en plus interactifs, ce qui passe par le fait de modéliser un certain nombre de phénomènes réels, qui peuvent être des phénomènes de physique, de chimie, de biologie, d'économie, de sciences sociales, et essayer de s'inspirer des travaux qu'ont pu faire des scientifiques pour les adapter dans des jeux vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il y a une intervention dans la narration et une intervention dans la programmation des deux côtés. C'est ça, exactement. Il y a ces deux aspects-là. Ouais. Alors, du coup, c'est intéressant parce que, justement, alors par rapport à cette chaire sciences et jeux vidéo, est-ce que vous êtes intervenu? Quels sont les rapports finalement entre Ubisoft et la chaire? Est-ce que c'est juste un rapport de mécénat ou de financement? Ou est-ce qu'il y a effectivement des passerelles entre les études et ce que propose Ubisoft en termes de contenu et de programmation? À la base, c'est une chaire de mécénat. Hein. Ça veut dire que Ubisoft finance, mais formellement parlant, on n'a pas imposé ce qui va être fait. Après, on discute ensemble, on a un système de comité de pilotage et donc on essaye de choisir des thèmes d'intérêt commun. Mais voilà, ça reste une chaire de mécénat. Ouais. Du coup, Raphaël Granier de Cassagnac, là, c'est la chaire a été inaugurée à l'automne dernier, le 24 novembre. Donc vous êtes en septembre. Novembre c'était le colloque, c'est ça. Donc en septembre, ça veut dire que aujourd'hui, comment travaillent les étudiants sur? Vous êtes en train de construire un petit jeu, mais vous le construisez autour de quelles idées, de quels concepts? Comment essayez de nous expliquer? On va aller de toute façon visiter le Game Lab dans un instant. J'espère. Mais dites-nous un peu comment ça se passe avant ça. Alors il y a deux choses. Il y a les étudiants, comme on disait. Donc les étudiants, donc il y a le cours dont on a déjà parlé. Et en plus de ça, tout au long de l'année, ils ont un projet collaboratif assez personnel, sauf qu'ils se mettent à 5 pour faire ça. Et donc, on a proposé 5 sujets liés aux jeux vidéo, pas tous avec Ubisoft d'ailleurs. Et donc, il y a 5x5 étudiants qui travaillent sur un projet très jeux vidéo. Donc là, ils ont leur petit sujet, ils avancent. On les épaule parce qu'ils ont souvent pas les compétences. Ils ont besoin qu'on lève des verrous pour eux, qu'on les mette en contact avec des professionnels. Donc le rôle du Game Lab dans cette entreprise-là, c'est surtout de les accompagner. Et c'est des sujets assez de recherche et développement assez en amont, souvent sur le jeu. On en encadre un avec David d'ailleurs. Mmh. Et donc ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est qu'on a aussi nos projets personnels au Game Lab. Et donc là, on continue l'aventure que j'avais initiée de fabriquer un jeu qui permette de populariser au plus grand nombre la physique des particules. Et là, les étudiants sont pas impliqués. C'est nous, le petit Game Lab qui le développe. Bon, alors le Game Lab, du coup, on va aller le visiter. C'est Céline Lezen qui a eu la chance d'aller le visiter. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et du coup, grâce à cette visite, vous avez enfin pu débloquer le fameux niveau 287 de Candy Crush sur lequel vous bloquiez depuis plusieurs semaines. Je suis très fière de moi. Mais en tout cas, dans ce Game Lab, on trouve des développeurs, des game designers et des graphistes. Tout ce monde-là travaille essentiellement sur deux aspects. D'une part, développer des outils pour améliorer le réalisme graphique, sonore et narratif du jeu vidéo. Et d'autre part, pour vulgariser les concepts scientifiques de manière esthétique et bien sûr au plus proche de la réalité. En ce moment, ils travaillent sur un projet nommé Reveal, qui est un jeu autour de la mécanique quantique et de la physique des particules. Catherine Roland, la chef de projet, m'a présenté son équipe et leur méthode de travail dans cet espace très immersif. Ici, vous êtes au sein du LLR, qui est le laboratoire Le Prince Ringuet, qui est un des laboratoires qui fait partie de l'école polytechnique. C'est un laboratoire de physique des particules et on nous a réservé un espace. Et ben, je vous invite à y rentrer. C'est quand même une grande pièce où on voit bien un coin un peu détente, confortable, où il y a sur les murs plein de références. Et effectivement, on a constellé nos murs de certains symboles. Avec une petite bibliothèque aussi, j'ai noté. Exactement, une bibliothèque qui n'est pas si petite que ça. Des références aussi, littéraires. Exactement. Et on a aussi, en rentrant sur la gauche, alors pour l'instant il n'est pas allumé, mais un ordinateur qui nous permet d'accéder à pas mal de jeux. Je continuerai en vous commentant que les murs, qui ne sont pas vitrés, sont constellés de tableaux, parce qu'on travaille beaucoup en tableau. On fait du brainstorming, donc on fait des séances d'idéation. C'est du brainstorming à la française, on va dire. Donc en fait, on réfléchit ensemble, on échange sur des idées. Donc on a certains tableaux qui sont encore avec des post-it ou des morceaux de papier. C'est un reste d'atelier. Et on a aussi des choses qui sont écrites au stylo. Alors là, on a pas mal nettoyé les tableaux, mais d'habitude, ils sont constellés de choses. Mais les équations, par exemple. Alors, il peut y en avoir, parce que ça fait partie de la matière qu'on va manipuler. Et parce que c'était important, on n'a pas mis des tableaux partout, parce qu'on voulait aussi laisser un espace à Thomas, notre game artist, pour qu'il puisse afficher ses productions régulièrement. Le mur est recouvert de petits personnages. Voilà, donc on a ici principalement les pistes pour le personnage de notre jeu. Voilà. Alors, par exemple, ici, en ce moment, vous travaillez sur quel type de projet ? Alors, on travaille sur un jeu qu'on est en train de développer, qui va traiter de la physique des particules, mais qu'on ne va pas présenter comme tel. Donc, notre envie et notre travail est de développer un jeu vidéo qui peut être proposé au grand public. C'est le projet Reveal ? C'est le projet Reveal, tout à fait. Et dans ce cadre-là, on va développer des mécaniques qui sont liées à la physique des particules et qui apportent justement une petite différence par rapport à ce qu'on peut trouver dans les jeux classiques. Je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on est en train de le produire, mais voilà, l'idée c'est d'illustrer la magie de ce monde, la magie de cet aspect de la science. Alors moi je suis Thomas Volbert, je suis le game artist et donc au sein du Game Lab, j'ai un objectif principal de déterminer la direction artistique du jeu sur lequel on travaille. C'est vraiment de travailler avec l'équipe pour essayer d'identifier ce que va être le jeu, savoir à quoi il doit ressembler. Et une fois que ces bases-là seront établies, on pourra passer à la production de ce qu'on appelle des assets dans le domaine du jeu vidéo. C'est-à-dire ce sont les éléments concrets qui vont apparaître dans notre jeu. Typiquement les personnages, les environnements. Et avec quoi vous travaillez là? Vous avez une tablette gigantesque avec un stylet. Vous travaillez sur quoi? Vous faites des croquis? Comment ça se passe? Alors, je travaille effectivement en faisant beaucoup de croquis sous Photoshop, donc c'est pour ça que j'utilise une tablette graphique. Alors là, typiquement, pour une des phases du jeu, l'objectif de cette animation test était de pouvoir un peu décrire le mouvement des particules et justement d'essayer, à travers un des pulses que le joueur aura à résoudre dans le jeu, de garder cette notion particulière. Donc comment on peut représenter pour que le joueur ait conscience qu'on parle quand même de corpuscules. très... Qu'est-ce qu'on voit apparaître là? Alors là, si je décris l'image, en gros, on a des particules qui se déplacent dans l'environnement en laissant derrière eux une traînée. Donc le but, c'est comment je peux représenter l'apparition, en gros, de cette traînée pour qu'elle convainque quand même cette idée de corpuscule et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit du joueur. Donc moi, je suis designer UX/UI, donc expérience utilisateur et interface utilisateur. Donc j'organise des playtests, donc c'est-à-dire des sessions de test du jeu. En fait, on réalise des prototypes pour un objectif précis. Donc là, le dernier mot, c'était la progression dans le jeu. Donc on voulait vérifier si le joueur arrivait à progresser dans la difficulté du jeu. Et donc on a réalisé un test sur un panel de 8 personnes. Et donc il fallait, de mon côté, que j'organise ce test en listant avec le game designer les objectifs pédagogiques, surtout la mécanique du jeu, est-ce que ça passe. Et parfois, en fait, ça relève des blocages. Et de ces blocages-là, on va pouvoir proposer une autre version, un autre prototype. Du coup, ça donne lieu à des pistes d'amélioration. Voilà. Je m'appelle Tony Cotterelle, je suis développeur gameplay. Donc c'est un peu moi qui ai les mains dans le cambouis. C'est moi qui fais le code du jeu, qui suis plus ou moins responsable que les livraisons soient bonnes, qu'il n'y ait pas de bugs et puis que ça fonctionne, que ça représente bien la vision de ce que les designers avaient à la base. Alors, les designers vont avoir un cahier des charges de ce qu'ils veulent attendre, que le bouton il soit de cette couleur, que le personnage il fasse ce type de déplacement, etc. Et ensuite, c'est à moi de coder ça et de leur donner ensuite cette chose-là, et c'est eux qui vont vérifier que ce que j'ai fait, c'est bien ce qu'ils attendent eux. Mais après, c'est itératif. C'est-à-dire que les designers, ils ont plus comme une vision ou un type d'émotion qu'ils veulent faire ressentir aux joueurs. Et en faisant comme ça des allers-retours, on va se rapprocher de ces émotions-là. Et moi, ce que je fais actuellement, donc je suis en train de créer ces prototypes-là. C'est-à-dire qu'on va faire des prototypes pour valider les fondations, ce qui est vraiment central dans le jeu. Et ensuite, une fois qu'on aura validé ça, on pourra étayer avec du contenu. On est plus ou moins en train d'essayer de trouver l'ADN du jeu en faisant des tests, ouais, comme ça. Voilà cette immersion dans le Game Lab de l'École Polytechnique, cette chaire sciences et jeux vidéo. Commentaire libre, peut-être simplement Raphaël Granier de Cassagnac, de ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Oui, bah ça reproduit. Bon, c'est génial, moi j'avais pas entendu l'extrait. C'est mon bureau en fait. Hein, mon vieux bureau dans lequel il y avait plein de scientifiques à une époque. Maintenant, il n'y a plus que des gens qui font du jeu vidéo et moi. Et l'idée c'était de reproduire un peu le schéma d'un petit studio de jeux vidéo. Donc on voit un peu les métiers standards, hein, un chef de projet... un développeur, un graphiste, quelqu'un qui fait de l'UX design. Il manque le game designer qui est malade, qui avait la grippe à ce moment-là, donc qui n'était pas là le jour de votre visite, et qui invente les règles du jeu. Donc on voit un peu l'idée c'était d'avoir immergé dans un centre de recherche, parce qu'autour de nous il y a que des chercheurs et des chercheurs qui font des sciences très différentes. Le centre de recherche est assez grand, donc d'immerger, d'avoir une immersion comme ça dans un centre de recherche des professionnels du jeu vidéo avec un fonctionnement de petits studios assez classique. David Loître, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un lieu étonnant. Bon, c'est vrai que moi, j'y suis régulièrement. Et dans ce labo dans lequel, on fait de la physique des particules, pouf, il y a cette salle au milieu avec ces gens qui font des choses très, très différentes. Ils font aussi de la physique des particules. Et qui font aussi de la physique des particules, voilà. Et donc, on peut qu'espérer que de cette collision entre des mondes finalement assez différents, il va naître des choses riches et intéressantes. Parce que ce qu'on vient d'entendre, Raphaël Gret-Gassagnac, c'est donc ce projet Reveal, qui est un projet à part des cours que vous dispensez directement aux étudiants qui se sont inscrits à cette chaire sciences et jeux vidéo. Mais finalement, ce projet, je me posais la question, mais on va en reparler tout à l'heure, quelle est la différence entre ce projet-là et ce qu'on appelle un serious game, c'est-à-dire un jeu dans lequel la dimension ludique n'est pas le seul but, mais la volonté de travailler, par exemple, à replier une protéine. On avait fait une émission complète sur ce sujet. On va vous remettre le lien sur le fil Facebook, Twitter de l'émission At la méthode FC. Vous l'avez dit, hein, la différence, c'est que moi, ma volonté, c'est de mettre l'aspect ludique avant l'aspect sérieux. Après, tout jeu est à la fois amusant et à la fois sérieux. On apprend dans n'importe quel jeu, y compris dans Candy Crush. On apprend toujours quelque chose. Donc moi, la barrière du serious game par rapport au jeu dans lequel on s'amuse, je la trouve toujours très très floue. Enfin, ça dépend vraiment de où on met la barrière. Mais nous, notre approche, c'est de toucher un public très large. Donc ça veut dire faire des concessions sur la science. Ça veut dire ne pas vouloir tout raconter. Ça veut dire que souvent, ils me reprennent et ils me disent « Non, ça, tu vas pas pouvoir le faire passer. Ça, par exemple, c'est pas possible. » par exemple, je sais pas, les oscillations de neutrinos, par exemple, c'est une question qu'on a en ce moment. On se dit, est-ce qu'on les mettra ou est-ce qu'on les mettra pas dans le jeu? Parce que c'est un concept assez complexe. qui en même temps est assez visuel, donc le jeu vidéo est assez fort pour faire passer des concepts comme ça qu'on peut représenter assez facilement. Donc voilà, c'est un exemple de choses. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire un jeu qui soit le plus fun possible. Moi j'ai une petite devise quoi, qui est science for all, fun above all en anglais, donc la science pour tous, mais le fun, l'amusement avant tout. Qui doit passer devant. Donc voilà, c'est ça mon... Après, le terme de serious game, il a malheureusement été assez dévoyé. Aujourd'hui, on appelle serious game des choses qui sont très, très, très, très sérieuses, voire dans lesquelles il n'y a presque plus de jeux. Mais c'était pas le but au début. Je pense que faire des jeux qui véhiculent, dans lesquels il y a un contenu assez sérieux, c'est une très noble et très juste cause. David Loitre, à ce propos ? Oui, je pense que le jeu vidéo, je veux dire, fondamentalement, est un divertissement, mais c'est pas parce que c'est un divertissement qu'il peut pas apporter aussi des choses aux joueurs. Enfin, je veux dire, on le voit dans le cinéma, on peut très bien regarder un film et en retirer d'autres choses que simplement du divertissement, et le jeu vidéo peut faire la même chose. Alors, moi, je sais que là où je travaille, on travaille pas sur des jeux dits éducatifs ou sérieux. C'est vraiment des jeux grand public, mais avec l'objectif que les joueurs en retiennent aussi quelque chose. Et pourtant, on cite souvent Assassin's Creed, qui est une très belle et très vaste franchise d'Ubisoft, comme étant justement l'un des exemples de ces jeux à travers lesquels on joue, et ce sont des jeux d'aventure, mais en même temps qui sont plongés dans des époques historiques, et donc qui apportent une forme de contenu historique, donc de culture, donc ce seraient des jeux plus fréquentables que d'autres, en quelque sorte. Oui, je sais pas si ça les rend plus fréquentables, mais tant qu'à faire, autant profiter du fait qu'on va avoir des joueurs qui vont passer des heures, des dizaines d'heures immergés dans ces mondes-là, pour essayer de leur apporter quelque chose, même si on garde toujours une forme de licence poétique, c'est-à-dire que ça reste une œuvre de fiction et on peut prendre des libertés avec l'histoire comme on pourrait en prendre avec la science. Mais voilà, l'idée était d'apporter quelque chose de plus que simplement du jeu. Il y a notamment une très très belle reconstitution de Paris, c'était au 17e Donc c'était la Révolution française. La Révolution française, c'était ça. Voilà, donc à la fin du 18e, ça s'appelait d'ailleurs, c'était Révolution. Ça s'appelait Unity. Unity, c'est ça, exactement. Mais pourtant j'y ai joué, j'avais oublié, mais il y en a tellement que je me mélange les pinceaux, et qui était une très belle reconstitution de Paris, dont on avait parlé ici, justement parce qu'il y avait effectivement eu tout un travail de modélisation, de travaux sur les plans originaux, pour avoir une forme voilà, d'espace, de terrain de jeu, qui était une reconstitution historique tout à fait validée, et dont on avait même dit que le moteur avait été réutilisé peut-être pour participer aux travaux de reconstruction de Notre-Dame. Oui, non, je crois pas que ça ait été vrai. Il y a des modèles qui sont bien meilleurs, mais par exemple, un exemple intéressant pour illustrer ce que je disais, c'est que dans cet épisode qui se passe à la fin du 18e, on peut grimper sur la flèche de Notre-Dame, ce qui est une expérience vraiment grisante, sauf qu'en fait, la flèche n'existait pas à cette époque. Mais voilà, il y a eu ce choix de faire cet anachronisme pour le plaisir du jeu. Musique bien symphonique, parce que le jeu vidéo c'est aussi de la musique symphonique, et on va faire un petit test grandeur nature. Vous reconnaissez la musique de ce jeu vidéo, Raphaël Granit-Cassagnac ? La plupart du temps je joue sans la musique, donc non. Vous avez tort. Cette musique, je l'ai choisie pour plein de raisons. C'est déjà d'une parce que c'est la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Prototype, qui n'est pas un si mauvais jeu que ça. Puis parce que, évidemment, parler de prototype de jeu vidéo, pour un jeu qui raconte voilà, comment un virus s'étend dans une ville et quelles sont les mécaniques voilà, de compréhension et de restriction d'une épidémie, on s'est dit que c'était voilà, d'actualité. Nous parlons donc de jeux vidéo tout au long de cette heure et j'essaye de m'en sortir comme je peux avec Raphaël Granier de Cassagnac, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique et porteur de la chaire donc Sciences et Vidéo, et David Loipre, directeur scientifique chez Ubisoft et créateur de la chaîne YouTube Science Étonnant. Des liens entre science et jeux vidéo, ce sont aussi les sciences sociales et c'est ce dont nous avons parlé dans la recherche Montre en main. Nous sommes en ligne avec Jessica Bédoni-Solaire, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes docteur en sociologie, vous avez soutenu votre thèse en septembre dernier, le titre de vos travaux, Être et redevenir une gameuse de jeux vidéo, trajectoire, épreuve et tension de genre en terrain vidéoludique, on vous écoute. Merci. Alors, je vais commencer par le commencement de ma thèse. Quand j'ai commencé à travailler sur les jeux vidéo, je me suis vite rendu compte que les jeux vidéo, ces fameuses game studies que vous avez évoquées tout à l'heure, sont constitués de multiples facettes, un peu à l'image d'un Rubik's Cube. J'aime beaucoup cette métaphore du Rubik's Cube, parce qu'elle est assez révélatrice. Donc, j'avais beau tourner ce cube un petit peu dans tous les sens, il n'y avait pas de case consacrée aux rapports sociaux de genre. J'ai donc décidé de déconstruire un petit peu le cube et de travailler sur les rapports sociaux de genre et la pratique des jeux vidéo. Mon enquête se porte sur les pratiques des jeux en ligne multijoueurs, multijoueuses, à l'image de World of Warcraft ou encore League of Legends. Elle se situe sur trois terrains, les domiciles des joueurs et des joueuses, les compétitions amateurs qu'on appelle des LAN parties, où le but c'est de se réunir en gros pendant un week-end et de jouer ensemble et de s'affronter sur un jeu. Et la critique publique féministe en ligne, notamment avec le fameux Gamergate, qui a occupé un grand temps de mon travail de thèse. Alors pourquoi autant de terrains? On me pose souvent la question. Parce que la volonté principale que j'avais, c'était de suivre les pratiques des jeux dans les espaces où elles se jouent, et pas seulement à domicile, comme c'est souvent le cas en sciences sociales. Les données sont assez multiples. J'ai des entretiens biographiques avec les joueuses, des observations à domicile, donc chez les joueurs et les joueuses, dans les tournois de LAN que j'expliquais tout à l'heure. Et je fais également de l'ethnographie en ligne, où j'ai analysé le volet critique féministe et surtout sa réception. Je suis rentrée un petit peu par la petite porte, où j'ai essayé de m'intéresser aux gamers de jeux vidéo en ligne, qui sont souvent considérés seulement sous l'angle de la minorité. Ce terme de gamers, pour moi, montre une certaine expertise de jeu, avec un engagement temporel dans la pratique qui est assez important. Et l'essentiel de ma thèse a été de savoir comment on devient une gameuse de jeux vidéo et quels usages sont faits des jeux vidéo au quotidien. Comment ces femmes passionnées par cette pratique culturelle sont perçues, surtout dans ce domaine qui est fortement, encore à l'heure actuelle, associé au masculin. Donc la question était de savoir comment on devient une gameuse de jeux vidéo, mais aussi comment ça se passe pour elle au quotidien et comment se jouent les rapports sociaux de genre dans ces technologies ludiques. Mes principaux résultats, très rapidement, mettent en avant les tensions de genre et les freins qui se posent aux femmes dans leur histoire de pratique et les stratégies surtout qu'elles mettent en place pour pouvoir jouer de manière sereine. J'ai pu voir également dans les tournois, les LAN parties que j'évoquais tout à l'heure et la critique féministe en ligne, que les jeux vidéo sont aussi des enjeux de masculinité pour les joueurs, où il s'agit de valoriser son expertise et de surtout sanctionner celles qui tentent de déconstruire la domination masculine et ses mécanismes. Donc on peut voir finalement que malgré une démocratisation des jeux vidéo, le secteur d'expertise reste monopolisé par les hommes, où il s'agit vraiment de garder cette expertise pour eux et surtout de la mettre en scène. Pour les femmes, la pratique des jeux vidéo est plutôt un support de réflexivité et de négociation des identités de genre. Donc après ce travail-là, mon intérêt actuel, j'ai pris la problématique à l'inverse et j'aimerais, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, porter mon attention sur les jeux qui sont les plus joués dans les chiffres, à l'image de Candy Crush que vous avez évoqué. Donc essayer de voir ces pratiques-là, de ces jeux-là au quotidien, mais sous l'angle, sous le prisme de la compétence et de l'expertise. Merci beaucoup Jessica Bédoni-Solaire pour cette présentation. Une réaction l'un et l'autre, je peux préciser pour nos auditeurs que le Gamergate, c'est une vaste controverse qui a eu lieu il y a 5-6 ans, en 2014 de mémoire, 2015, par là, et qui posait la question justement de la misogynie très forte qui perdurait avec qui est allée très très loin puisque jusqu'à à des campagnes de harcèlement contre certaines joueuses, contre certaines critiques de jeux vidéo féminines, et ça a effectivement ébranlé et montré qu'il y avait encore beaucoup de stéréotypes de genre très violents dans cette communauté-là. Une réaction d'abord à ces travaux et puis plus généralement aux conséquences de ce Gamergate aujourd'hui, 5 ou 6 ans après, Raphaël Granier de Cassagnac. Ouais. Alors, moi, je connais pas bien la communauté des joueurs, mais je suis pas surpris par votre étude. On revient de très loin dans beaucoup de domaines sur ces questions-là. Je pense qu'on progresse beaucoup ces dernières années-là, mais on revient quand même de très loin. Moi, quand j'ai commencé à côtoyer le monde de l'industrie vidéoludique, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment que des hommes. Et j'étais plutôt agréablement surpris de voir qu'il y a quand même pas mal de femmes dans l'industrie et en position de pouvoir. Donc j'espère que ça va faire évoluer tout jusqu'aux joueurs, quoi. C'est la question de façon positive, quoi. David Loivre. Oui, effectivement, on constate qu'il y a tout un tas de stéréotypes de genre comme ça, notamment dans la communauté des gamers les plus hardcore, qui sont en plus les plus vocaux sur les réseaux sociaux, etc. Comme disait Raphaël, c'est des choses qui bougent, mais ça prend du temps parce que pour que les choses bougent, il faut que tout l'écosystème bouge, c'est-à-dire que les jeux soient aussi moins typés pour un public très très masculin, ce qui veut dire qu'il faut que les créateurs aussi soient moins masculins. Effectivement, moi j'ai été aussi surpris, je m'attendais à ce que ça soit pire que ça encore dans l'industrie, mais c'est des choses qui prennent du temps, parce que entre une petite fille qui aujourd'hui va commencer à jouer à un jeu, qui va faire ses études, qui ensuite rentrera dans l'industrie et sera en position de pouvoir de créer des jeux différents, et ben voilà, ça prend beaucoup de temps et voilà, il va falloir que les choses bougent partout dans l'écosystème. Jessica Benoni-Sola, vous avez l'impression que le Gamergate a changé les choses en termes de prise de conscience, que le milieu effectivement se féminise. On peut penser, hein, effectivement, à Raphaël Grain-Cassagnac, on peut penser à Jeanne Rousseau, qui est une femme à la tête du studio Spiders, qui a produit des jeux qui sont toujours justement très attentifs au respect de la parité et de personnages féminins forts à l'intérieur de ces jeux. Elle n'est évidemment pas la seule, mais on pense à elle parce qu'on la connaît un peu. Alors, c'est difficile de se positionner pour dire ça a changé telle ou telle chose, mais de ce que j'ai vu dans mon terrain, hein, c'est vraiment des gameuses qui me disent ça a créé un espace pour qu'on prenne la parole. C'est d'actualité d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Ça a créé un espace pour qu'on prenne la parole, et grâce à ça, ça nous a permis d'échanger sur nos quotidiens et avec un principe de sororité, hein, de voir qu'on n'était pas les seuls à mettre en place des stratégies. Et à vouloir s'investir dans ce domaine, ça les a visibilisés vraiment. Et puis on notera que dans le Game Lab que vous avez monté, Raphaël Granier de Cassagnac, on a entendu à part égale des hommes et des femmes, et c'est important de le noter. Merci beaucoup Jessica Benoni-Solaire, on va vous libérer. On va poursuivre notre conversation justement peut-être un peu autour de cette question des Game Studies. Raphaël Granier de Cassagnac, c'est un concept qui s'est développé aux États-Unis, d'abord en commençant par des jeux de plateau, puis en s'étendant aux jeux vidéo. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'à travers votre chaire à Polytechnique et peut-être à travers d'autres initiatives universitaires, ces études, ces sciences du jeu commencent à entrer, que ça commence à être un vrai sujet d'études académiques. Bah, oui, moi je suis assez étonné par le nombre de gens qui nous contactent depuis que la chaire existe et qui viennent du monde académique, donc il y a un gros appétit pour ce genre de choses-là. Après, tout à l'heure, vous évoquiez études du jeu ou sciences du jeu. Moi, je sais pas bien où sont les frontières dans ces choses-là. Et je pense qu'il faut tirer tous azimuts, quoi. Et pas forcément faire un truc trop, trop précis sur que sont les Game Studies. David Loivre. Oui, effectivement, les Game Studies, c'est donc plutôt un champ qui est issu plutôt de la sociologie, donc qui regarde le jeu vidéo en tant qu'objet sociologique. Et c'est quelque chose qui va exister à côté de choses qu'on peut faire, nous, qui vont être plus orientées autour de comment on applique les sciences dans le jeu. Mais voilà, les deux ont leur place. Alors justement, sur la façon d'appliquer des sciences dans le jeu, aujourd'hui, quels sont les liens directs? On va regarder d'abord les liens directs à l'intérieur du monde du jeu vidéo, puis ensuite on parlera peut-être des liens à l'extérieur du jeu vidéo. Vous l'avez évoqué rapidement, on oublie de dire par exemple que l'essor des cartes graphiques en 3D est vraiment un progrès technique qui est directement lié, David, à l'essor du jeu vidéo dans les années 90. Oui, absolument. Donc le gros lien historique entre la science et le jeu vidéo, c'est évidemment l'informatique graphique. Alors pour ceux qui ne visualiseraient pas bien la chose, donc dans un jeu vidéo on a des images de synthèse, et contrairement à ce qui se passe par exemple dans le film d'animation où on peut prendre tout le temps qu'on veut pour calculer les images, dans un jeu vidéo ça tourne à 30 ou 60 images par seconde, donc il faut calculer très vite le rendu de l'image en temps réel, parce qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction le joueur va aller ou ce qu'il va faire. Et donc, ça nécessite des performances algorithmiques et puis aussi au niveau des processeurs qui sont très, très importantes. Et c'est ça qui a permis l'essor, notamment, effectivement, des cartes graphiques, des GPU, qui aujourd'hui servent à tout un tas d'autres choses que le jeu vidéo. Et on sait que, d'ailleurs, dans ce domaine, aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer parce qu'on arrive à des puissances de calcul supérieures et surtout, on arrive à du machine learning et donc à une capacité de modéliser des environnements aléatoires beaucoup plus forte que ce qui était le cas auparavant, Raphaël Grenet-Cassagnac. Oui, alors après, donc moi, je pense que les deux domaines dans lesquels le jeu vidéo a pu avoir un impact positif sur les sciences, c'est-à-dire vraiment les tirer vers le haut par le biais de la technologie, c'est effectivement l'informatique graphique enfin, il y avait des polygones, il y a eu des voxels, enfin, il y a tout un tas de, on peut très bien dater l'utilisation dans le jeu vidéo de toutes les avancées de l'informatique graphique jusqu'à l'avancée technique des GPU. Et l'autre, c'est un peu l'intelligence artificielle. Mais pour l'intelligence artificielle, je suis plus modéré parce que tout le monde a besoin d'intelligence artificielle aujourd'hui. Tout le monde veut analyser des gros lots de données. Et donc, je pense que le jeu vidéo est très loin d'être le seul endroit où on a besoin d'intelligence artificielle. Et peut-être c'est même plutôt un petit peu en retrait par rapport à d'autres domaines. Après, sauf si on considère que AlphaGo, c'est un jeu vidéo. Enfin, AlphaGo, rappelez-nous ce que c'est. C'est quand un ordinateur bat le meilleur joueur du Go. Alors, il y a eu les échecs avant avec Deep Blue, c'est ça? Et AlphaGo. Donc, c'est de l'intelligence artificielle pour un jeu qui est pas forcément vidéo. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est les deux domaines, l'informatique graphique et l'intelligence artificielle, dans lequel le jeu vidéo a vraiment été, a pu avoir une composante motrice dans l'avancement de ces sciences. Avec des choses qui sont assez familières à un certain nombre de joueurs, notamment, par exemple, la modélisation des fluides. David, ou des fluides aléatoires, c'est-à-dire qu'on sait que, moi je me souviens dans mon expérience de joueur qu'au début quand on s'approchait d'un lac, bon bah c'était une surface plane vaguement réfléchissante. Aujourd'hui on a vraiment des méthodes de modélisation de la mer, des vagues qui sont complètement randomisées et qui amènent à un sentiment de réalisme extrêmement poussé. Alors oui, qui améliore beaucoup le réalisme, un peu dans la façon dont c'est fait d'ailleurs dans le film d'animation, mais avec un point faible qui font partie des choses d'ailleurs sur lesquelles on peut travailler, qui est qu'on arrive à faire des fluides qui sont assez peu interactifs, c'est-à-dire qu'on peut avoir une très belle mer, mais on ne peut pas faire en sorte que le joueur va provoquer des vagues dedans, que ces vagues vont aller mouiller des objets, que vont renverser des bateaux peut-être. Etc. Et pourquoi c'est difficile ça ? Alors, c'est toujours le même problème de la question du temps réel et de choses qui sont précalculées. C'est-à-dire que quand on a une très belle image d'une mer, en fait, elle est en partie calculée en temps réel, mais il y a énormément de choses qui sont précalculées. Donc, on peut faire des choses qui sont très très jolies parce que c'est des choses qui ont été préparées en amont. Si on veut que le joueur puisse interagir avec un fluide, là, on ne peut plus rien précalculer puisqu'on ne sait pas ce que le joueur va faire. Et ça veut dire que là, il faut complètement simuler le fluide en temps réel, toujours avec ces contraintes de 60 images par seconde. Et là, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus difficiles, notamment la question des fluides. On sait qu'en niveau simulation, ça fait partie des problèmes les plus compliqués. Et donc là, il faut inventer des choses nouvelles pour espérer arriver à faire ça. Il y a, et ça, ce serait plutôt pour l'aspect graphique. On peut parler de ça, on peut parler de la profondeur de champ, on peut parler du mouvement des herbes ou des feuilles dans les arbres. C'est-à-dire vraiment la volonté d'aboutir et d'aller de plus en plus loin dans le photoréalisme. Aujourd'hui, on est tout de même avec les prochaines générations de consoles qui arrivent sur le marché dans l'année certainement ou l'année prochaine, on a vraiment fait des bons, mais est-ce que on arrive un peu à la même chose qu'en informatique, c'est-à-dire à une sorte de plateau technique, ça va moins loin que ça n'a pu aller, enfin ou en tout cas que ça n'a pu progresser pendant plusieurs années, Raphaël Grenet-Cassagnac. Je suis pas sûr, je suis d'accord avec David que donc tout ce que vous mentionnez, c'est beaucoup le rendu en fait, le rendu graphique et avec de l'intérieur. Mais le côté interaction, comme le mentionnait David, il est pour la plupart de ces choses-là pas là, c'est-à-dire que les herbes qui bougent quand on passe la main dans les herbes, la plupart du temps il se passe rien dans le jeu vidéo, pareil pour l'eau, pareil pour plein de choses. Donc je pense qu'il y a de la place pour ça, qui est pour donc modéliser l'interaction du joueur avec son environnement qui est insignifiant, ça fait pas partie de l'expérience de jeu indispensable pour terminer le jeu. Mais le jour où on sera dans un jeu vidéo et qu'on fera des éclaboussures quand on ira dans la mer ou qu'on pourra caresser un champ, des choses comme ça, ce sera... Donc là, je pense qu'il y a de la place quand même, beaucoup de place. Le réalisme, on est déjà très très fort. Je pense que c'est pas tant un plateau technique que presque un plateau ludique, c'est-à-dire que, oui, on peut encore améliorer la qualité du reflet dans la mer au fond là-bas, mais honnêtement, on s'en fout. Ça change pas. Non, mais c'est vrai. Ça dépend, il y a des gens qui sont très sensibles. Ça change pas l'expérience du joueur. Il y a énormément de jeux avec des graphismes qui sont pas le top niveau, qui ont beaucoup de succès parce que le gameplay est très bon. Et je pense qu'on arrive plutôt à un stade où, en fait, oui, on pourrait encore améliorer, mais c'est plus là-dessus que les choses vont se faire, à mon avis. avis. Et alors justement, peut-être sur le développement, notamment ce qu'on appelle la linguistique computationnelle, là aussi il y a des progrès énormes qui ont été faits, et notamment on peut imaginer que les travaux en cours, avec justement le deep learning ou le machine learning, amènent à pouvoir générer du dialogue qui ne soit plus du dialogue scripté. Oui, alors ça nous ramène à la question de l'intelligence artificielle qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, souvent quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense à des performances très importantes. On citait l'exemple d'AlphaGo qui bat le meilleur joueur du monde. Et en fait, dans le jeu vidéo au grand public, c'est pas tellement à ça qu'on s'intéresse. C'est plutôt, on s'en fiche d'avoir une intelligence artificielle qui soit capable de battre un joueur, parce que le joueur il est là pour s'amuser, pas pour se faire plier. Donc, on va plutôt travailler sur des choses qui sont l'interactivité, le réalisme, etc. Et donc tous les personnages que un joueur va pouvoir croiser dans son monde, on essaye de les rendre plus interactifs, plus réalistes. Et ça peut passer notamment par de la génération de dialogue qui soit plus forcément quelque chose de scripté et qui va être en quelque sorte parfois un peu répétitif, mais pour essayer d'utiliser des techniques qui permettent quelque part aux petites intelligences artificielles de générer elles-mêmes leur dialogue. Raphaël Granit-Cassagnac, là-dessus. Justement, ça, c'est un des sujets qu'on creuse un peu au Game Lab, qui était proposé par Ubisoft. Donc, on a 5 étudiants qui travaillent avec un professionnel, un expert de chez Ubisoft sur des questions comme ça. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus dans le monde, mais que ça avance pas très vite. Donc le but, c'est tout bête, hein, c'est de créer, voilà, on se balade dans notre monde ouvert et le joueur rencontre deux personnages non joueurs. Qu'est-ce qu'ils se disent, quoi? Deux personnages non joueurs, c'est-à-dire incarnés par l'ordinateur, c'est vrai, générés par l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Comment fabriquer un dialogue qui a lieu entre ces deux personnages? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement scripté avec quelques paramètres, mais c'est essentiellement scripté. Il y a un scénariste qui écrit ça. Voilà. Et puis quand on peut dire que la plupart du temps, quand on tombe sur ces personnages qui ne sont pas importants pour l'intrigue, ils disent une phrase ou deux phrases, voilà, qui sont toujours les mêmes. Il se passe pas grand chose. Exactement. Et l'interactivité est très très limitée. Souvent on peut pas les interrompre, on peut pas parler avec eux. Souvent on est témoin d'un petit dialogue qui peut éventuellement servir l'intrigue et tout ça. Si on veut donner du réalisme à un monde très ouvert, demain il faut qu'il y ait des discussions qui échappent aux joueurs, qui puissent en intercepter une partie, les interrompre, dans lequel il y ait des rumeurs, des commentaires sur la météo. Il faut que tout ça soit très cohérent. Et donc ça, c'est un champ de recherche qui est assez intéressant et qui excite pas mal de gens, je pense. David? Oui, une des choses qu'on se dit souvent, c'est qu'on essaie de créer des jeux qui soient en quelque sorte des simulations. Et la propriété d'une simulation, c'est que même quand le joueur fait rien, il peut se passer des choses et il peut se passer des choses intéressantes. Donc on a envie que dans une ville, il y ait du trafic, des gens qui discutent, qui commentent ce qui est en train de se passer. Et même si le joueur fait rien, le monde devrait être intéressant. C'est un peu ça notre objectif. C'est-à-dire continuer à vivre en dehors de l'expérience de jeu du joueur. Et ça, c'est en termes de calcul, d'avancée dans l'apprentissage automatique, on en est encore très très loin, ou est-ce que c'est les prochaines générations, est-ce que c'est en train d'arriver? Alors, il y a certaines choses qui sont pas forcément qui sont à portée de main. Quand on parle de simuler des choses comme par exemple le trafic dans une ville, c'est des choses qu'on fait déjà, la météo, etc. Après, si on veut arriver à une interaction avec par exemple les dialogues des personnages non joueurs, là effectivement il y a encore un peu de travail. C'est autre question, est-ce que, puisque on parlait justement de l'intégration tout à l'heure de ces serious games, ou d'intégrer du contenu scientifique à l'intérieur des jeux, une fois de plus Ubisoft là est un peu précurseur dans la matière, puisque je crois que dans la version égyptienne d'Assassin's Creed, il y avait justement un travail un peu scientifique autour du décryptage des hiéroglyphes. Oui, alors en fait la Assassin's Creed dont on parlait tout à l'heure, donc une franchise qui se passe dans des contextes historiques, dans la version qui est sortie il y a 3 ans, je crois, qui se passait en Égypte, il y avait eu en fait ce qu'on avait appelé le Discovery Tour, qui était une possibilité de se promener dans le monde sans forcément jouer au jeu. Et donc c'était simplement mettre à disposition des joueurs le fait qu'on ait créé ce monde immense avec plein de choses qui sont dans l'Égypte antique, voilà. Et donc de permettre d'utiliser ça à des fins éducatives ou simplement pour le plaisir de la découverte. Et ça a été utilisé notamment par certains enseignants qui ont utilisé ça comme une manière d'amener un regard un peu différent pour leurs élèves, ouais. C'est un espèce de produit dérivé que je trouve très louable, quoi. On n'aurait pas pu développer un monde aussi riche pour cette fin-là, mais l'utiliser a posteriori pour à des fins éducatives, c'est génial. Et justement, dans ce sens-là, est-ce qu'on peut penser le jeu vidéo comme une expérience, justement, par son interactivité, qui va produire... Comment est-ce que vous pensez, vous, Raphaël Granit-Cassagnac, le fait de pouvoir non plus faire du serious game, c'est-à-dire qu'il ne soit que à vocation pédagogique ou didactique, mais intégrer dans des univers fictionnels, justement, des éléments qui sont des éléments de connaissance? Mais je pense qu'on peut le faire un peu avec n'importe quoi. Peut-être qu'on le fait d'ailleurs déjà, hein. par ailleurs. Oui, moi je cite souvent Civilization, par exemple, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Civilization qui est un jeu où on construit des civilisations, qui est basé sur les différentes civilisations humaines et qui finalement permettent d'acquérir un peu de connaissances sur les spécificités de chaque civilisation par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Et donc moi j'ai joué quand j'étais adolescent, quand le premier est sorti, j'étais pas bien vieux, et je sais que ça m'a apporté une vision de l'histoire humaine, une première vision de l'histoire humaine assez simple, et qui m'a permis d'appréhender des choses d'histoire plus tard de façon assez, c'était une belle introduction, quoi. Et l'arbre technologique dans Civilisation est génial. Ça explique vraiment comment l'humanité a découvert les choses les unes après les autres, l'âge de la pierre, l'âge du fer, etc. La poterie, la poterie, etc. Je vois que vous y avez joué également. Un petit peu. Quelques petites heures. Et donc voilà, c'est un jeu dans lequel il y a une bribe d'histoire. Ça va pas très loin, mais il y a quand même une bribe d'histoire et ça peut éveiller une curiosité pour quelqu'un, poser quelques premiers jalons. Donc ça, c'est une première façon de faire les choses que je trouve assez intéressante, qui peut se faire avec énormément de jeux. C'est intéressant de savoir que Laurent Binet, par exemple, son dernier roman s'appelle Civilisation et part du principe du jeu, c'est-à-dire utilise le jeu pour raconter l'histoire inverse, c'est-à-dire non plus l'invasion de l'Amérique du Sud par l'Espagne, mais au contraire l'invasion de l'Europe par les Incas. Et je vous recommande la lecture. On va vous mettre là aussi un lien sur le fil tout en l'émission. C'est même si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un exercice historique intéressant. Autre chose peut-être aussi, on parle souvent pour justifier justement des apports scientifiques des jeux vidéo de plusieurs choses, de ce qu'on appelle le modding comme introduction à la programmation, David Loire, c'est-à-dire la capacité de changer justement, d'utiliser les moteurs de jeu comme finalement première interface d'apprentissage de la programmation. Oui, alors le modding, c'est effectivement la possibilité qui est donnée par certains jeux de carrément venir modifier le jeu. Donc c'est des choses, par exemple, qu'il y a eu on appelle ça des mods, des modifications de jeux comme par exemple Minecraft ou Skyrim qui sont restés célèbres. De façon générale, le fait d'essayer de créer un jeu vidéo, même à partir d'un moteur, donc par exemple il y a des moteurs qui sont relativement accessibles au grand public, comme par exemple le moteur qui s'appelle Unity 3D, ça permet de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, dans ces moteurs-là, il y a des modélisations de phénomènes physiques, comme la trajectoire, simplement la trajectoire des corps sous l'effet de la gravité. Et en fait, on peut se rendre compte en jouant, et moi ça m'est même arrivé, pourtant je suis physicien, mais en jouant avec ces choses-là et puis en essayant de programmer des choses, de conceptualiser des phénomènes en les faisant, et ça apporte un tout autre éclairage. C'est un peu comme si on faisait des expériences virtuelles, ça apporte un tout autre éclairage que simplement faire des calculs sur une feuille de papier. Donc je pense que le jeu vidéo, à la fois comme en tant que joueur et puis évidemment en tant que programmeur, peut être un moteur assez puissant pour aider à faire comprendre des phénomènes. Moi, j'ai fait beaucoup de vulgarisation scientifique, je fais beaucoup de vidéos. La vidéo, c'est super, mais ça reste quelque chose d'extrêmement passif. Et une citation que j'aime beaucoup, c'est attribuée à Confucius, elle est probablement pas véridique, mais il disait j'entends, j'oublie, je vois, je retiens, je fais, je comprends. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai découvert le monde du jeu vidéo il y a 2 ans, où je me suis dit, mais en fait, c'est la continuation naturelle d'un travail de vulgarisation que moi j'ai pu faire en vidéo, où on est un peu dans le « ok, je vois, je retiens, mais je comprends pas forcément ». Et je pense que le côté faire qu'il y a dans le jeu vidéo peut être quelque chose de très puissant pour faire passer comme ça des choses en science et de façon générale, du point de vue culturel. Pour moi, il y a 4 choses qui font que le jeu vidéo est un média idéal pour passer la science. C'est ce que tu dis là, c'est sur les mécanismes ludiques qui peuvent vraiment représenter la démarche scientifique. En fait, tu peux même faire expérimenter aux joueurs. Le die and retry. Ouais, mourir et essayer, c'est l'échec et c'est formidable de mourir dans le jeu vidéo. À l'école, on n'a pas le droit de se tromper. C'est mal. Dans le jeu vidéo, on peut mourir. On recommence là où on en était 2 minutes avant. C'est génial. Après, il y a la situation de Confucius. Là, c'est effectivement quand on est en train de faire les choses, on les apprend vraiment. Et les 2 autres choses, c'est le graphisme, quoi. C'est-à-dire que on a une liberté graphique énorme dans le jeu vidéo et on peut représenter des concepts scientifiques de façon... On a un champ très très large pour représenter les choses qu'on n'a pas avec d'autres médias, souvent. Et le dernier, c'est on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la taille de la communauté, quoi. C'est-à-dire que c'est un média qui est de plus en plus large. Et même si on intéresse quelques joueurs à la science, on a déjà gagné beaucoup par rapport à d'autres médias. Eh bien, espérons que c'est ce que nous aurons fait au cours de cette heure. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Raphaël Granier de Cassagnac, merci David Loapre. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, vous pouvez évidemment télécharger immédiatement la série documentaire d'Antoine Tricot, Les jeux vidéo, c'est la vie, qui a été diffusée il y a quelques semaines et qui continue à détailler un peu tous ces univers de jeux vidéo et qui montre à quel point ce sont des univers riches et intéressants à exploiter, notamment les expériences de jeu, le très bon épisode sur les expériences de jeu et des joueurs individuels que j'avais trouvé trouvé passionnant à titre personnel. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Je vous rappelle que comme mercredi, eh bien, c'est l'heure de retrouver le jour, de retrouver les idées claires qui est aujourd'hui consacré aux questions du terrorisme après le dernier attentat d'extrême droite à Anao. On se pose la question de savoir si le terrorisme est forcément islamiste. La réponse est évidemment non. Merci donc à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Limnégué de Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lezen, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Demain, nous partons en expédition océanographique, mais pas n'importe laquelle. Nous embarquerons sur le HMS Challenger, la toute première expédition du genre. On voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, en écoutant La Méthode Scientifique. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.